La Corée dynamise le reboisement printanier. La pépinière centrale près le ministère de l'Entretien territorial et de l'Environnement a cultivé plus de 25 millions de plants d'arbres de dizaines d'espèces nécessaires au rétablissement forestier, notamment mélèzes de Changsong et cryptomeria. La province du Tagan a produit plus de 35 millions de plants d'arbres plus que l'année passée, alors que les pépinières des villes et arrondissements de la province du Hamgyong du Nord ont élevé des millions de plants d'arbres. La province du Fangé du Nord a planté plus de 32 millions d'arbres pendant environ 20 jours depuis le premier reboisement printanier, tandis que la province du Hamgyong du Sud, plus de 2 millions d'arbres en une semaine dernière. Les permanents et membres de l'Union des travailleurs agricoles ont planté depuis le premier reboisement printanier jusqu'à présent plus de 6,64 millions d'arbres. Ainsi, le reboisement printanier bat son plein partout dans le pays.